le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le jour. Si tu cherches à savoir le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à comprendre ce pourquoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être qu'à cent, nous trouverons la voie. Sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si l'on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille, nous saurons la trouver. La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille, nous saurons la trouver.